8h53, suite des matins avec votre carnet de philo, Géraldine. C'était la rentrée des classes hier, vraiment ? Eh oui, hier, jeudi 2 septembre. Saviez-vous, nous étions le 2 septembre. Plus de 12 millions d'enfants sont entrés à l'école ou entrés à l'école pour la première fois de leur vie. C'était le cas d'une personne de presque 3 ans que je connais très bien et que j'ai donc accompagnée pour l'occasion. Alors, je vous passe les errements du dispositif anti-Covid que je n'ai toujours pas compris, ni même la maîtresse d'ailleurs, pour en venir à cette impression. Contrairement à ce que je croyais, ça ne fait pas grand-chose, ni angoisse, ni pincement au cœur de revenir sur les bancs de l'école. Alors déjà, parce que contrairement à cette expression, on ne revient jamais sur les bancs de l'école. On ne fait que passer, observer l'environnement, constater l'évolution ou pas des moyens, sans vraiment savoir d'ailleurs quels étaient vraiment les moyens dont disposait l'éducation nationale à notre époque. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un avis et de combler la conversation avec des parents qu'on va croiser toute l'année. Une chose toutefois, Guillaume, m'a frappée, et je ne sais pas si elle était courante au début des années 90, moment où j'étais sur ces fameux bancs, enfin plutôt un terme, celui d'autonomie. Oui, dites-nous quand même... Autonomie, mais qui employait ce terme ? Eh bien, hier, tout le monde dans cette classe, alors j'ai été complètement prise au dépourvu. Jusqu'à hier, je croyais qu'on était autonome quand on signait des papiers de sa propre signature ou quand on se prescrivait à soi-même ses propres règles. Enfin, ça, c'est pour l'étymologie du terme et ce qu'en dit Emmanuel Kant pour fonder sa théorie de la volonté. L'autonomie de la volonté est cette propriété qu'a la volonté d'être à elle-même sa loi. Mais hier, c'est tout autre chose que j'ai découvert à propos de l'autonomie. Par exemple, qu'un enfant n'était pas dit propre, mais autonome. Qu'on ne disait pas non plus qu'il pouvait jouer seul, mais qu'il faisait preuve d'autonomie. Et cela pour la cantine, les activités périscolaires, ou que sais-je encore. Autrement dit, j'ai découvert que paradoxalement, de l'autonomie, il ne restait que la première partie, le auto, soit le soi seul et rien du nom, soit la loi, ce qui d'une certaine manière rejoint une conception assez partagée de l'autonomie aujourd'hui. Pensez par exemple aux véhicules autonomes, conception selon laquelle il s'agit moins de se prescrire des règles universelles que de faire des choses pour soi et par soi et surtout sans aide. Derrière le prestige du mot, c'est vrai que dire « mon enfant gagne en autonomie », c'est quand même plus solennel qu'un « c'est cool, il a enfin lâché sa tétine », se joue ainsi un drôle de glissement. Ce n'est pas qu'on est autonome mais indépendant. Autonome et indépendant, les deux termes sont toutefois assez proches et même synonymes. Eh bien c'est vrai, mais ce n'est quand même pas le même mot. Autonome sonne beau, il sonne fort, il sonne collectif. Indépendant, ça sonne plus négativement. Il y a toujours un soupçon d'égoïsme dans l'indépendance. L'indépendant est-il libre ou à l'écart du groupe ? Agit-il par lui-même ou contre le reste du monde et de ses camarades de classe ? Alors que l'autonome, lui, il n'est pas seulement libre, il est libre avec tout le monde. Comme tout le monde, il n'est pas singulier, il est universel. Vous me direz, cela colle parfaitement avec l'esprit collectif d'une école. Mieux vaut un autonome qu'un indépendant dans une classe. C'est pourtant l'indépendance qu'on a en tête quand on se félicite qu'un être fasse des choses par lui-même, sans dépendance. Et c'est là au fond le problème. Pas qu'on utilise le concept d'autonomie au-delà d'une certaine limite d'âge, mais qu'on rechigne à utiliser celui d'indépendance. Mais pourquoi l'indépendance et du coup son contraire, la dépendance, sont-elles si mal vues, surtout dès qu'on envisage le point de vue du collectif ? Eh bien c'est à peu près ce genre de réflexion que je me suis faite hier en essayant de me fondre dans le groupe des parents d'élèves.